Du coup, on a été à l'intersyndicale, c'était vendredi. Et en soi, on a surtout fait un débrief de la semaine dernière sur les actions. On a fait un petit point sur l'action de mercredi au blocage de la CARSAT. On s'est fait accueillir par les forces de l'ordre qui nous ont offert un petit feu d'artifice de palais de lacrymo, c'était assez sympa. Sinon, ouais, on est revenu sur les dates des actions à mener cette semaine. Mais en soi, il n'y a pas eu grand débat sur la réforme des retraites en soi. Là, c'était vraiment une question de coordination sur les actions à venir. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu les infos ou le tract, donc aujourd'hui, on part en manifestation à 14h30. Demain, il y a un rassemblement à 17h30 à la cathédrale pour une petite action surprise. Et vendredi, je ne sais pas qui est au courant, mais vendredi à 18h, on se retrouve tous à l'hôtel de ville pour une retraite au flambeau. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas eu grand-chose de dit. Enfin, après, tu me dis, Jeanne, si je me trompe, mais en soi, l'intersyndicale, ça sert vraiment à organiser les actions localement. Après, on ne parle pas forcément sur le fond de la réforme ou quoi que ce soit. En fait, ce n'est pas parler sur la réforme, c'était le retour de la manifestation qu'il y a eu avec une des plus grosses présences étudiantes. Ok, ouais. Alors, dans ce cas-là, au Havre, la CGT a compté 65 000 personnes à la manif de vendredi dernier. Au Havre. Du coup, à Rouen, c'était à peu près 4-5 000 personnes. En soi, c'était un grand succès pour les organisateurs. Et voilà. Du coup, là, c'était le compte rendu, mais dans les prises de parole, évitez d'essayer d'interpeller quelqu'un d'autre pendant qu'il ou elle.